Bon, merci. Donc maintenant, on va passer à la dernière intervenante, Marie-Albane de Surmain, qui travaille sur l'histoire des savoirs en situation coloniale et est maîtresse de conférence à l'UPEC de Créteil, Paris 12. Voilà, merci beaucoup. Je vais donc vous parler d'une commu beaucoup moins hype que celle qu'on vient d'évoquer. Nous, c'est plutôt une commu de banlieue, voilà. Mais merci de partager tout cela. Et en se posant la question, donc, est-ce que l'avenir de l'UPEC, Paris-Est-Créteil, et l'avenir de l'UPEM, Paris-Est-Marne-la-Vallée, est-ce que leur avenir est de la fusion dans une commu Paris-Est ? Et ce sera vraiment un cas d'école, puisqu'on a une situation assez, assez originale. Alors nous, la sensibilisation, la mobilisation un peu collective sur ces questions a démarré au mois de février, parce qu'en février a été voté par les deux CA de l'UPEC et de l'UPEM, donc Créteil et Marne-la-Vallée, a été votée donc une résolution donnant pouvoir et mandat donc au président des universités pour travailler sur l'hypothèse stratégique de la fusion de l'UPEC et de l'UPEM dans une commu Paris-Est. Paris-Est, la commu étant le coordinateur territorial. Alors, à l'UPEM, les membres du CA se sont battus, du moins certains, pour faire introduire donc le terme d'hypothèse. Mais au final, comme une seule hypothèse sera travaillée, est-ce que ça change beaucoup la donne ? Ça n'est pas certain. Le CA de l'UPEC avait lieu le lendemain, donc nous avons vraiment bataillé pour dire mais allons plus loin, pas une seule hypothèse, mais plusieurs, et on pourrait les confronter, les comparer, et en juin, faire un vote informé. Et ça n'a pas été possible. Néanmoins, ça nous a permis quand même d'avoir un vote en demi-teinte, dans la mesure où 13 voix n'ont pas apporté leur soutien, soit qu'il y ait eu un vote contre, soit qu'il y ait eu une abstention. 13 voix n'ont pas apporté leur soutien à cette hypothèse stratégique de la fusion dans la commu. Alors, la mobilisation s'est déclenchée à partir de ce moment-là, sous forme d'AG, de pétitions, de motions, d'informations. Et puis une demande vraiment de travail en commun, d'association des personnels et des étudiants donc à cet avenir de l'UPEC et de l'UPEM, et non pas simplement une information a posteriori, puisque ce qu'on a contesté, c'est donc effectivement que on nous exposait qu'il y avait effectivement plusieurs choix dans la loi, plus ou moins intéressants, et que le seul choix finalement c'était la commu, la fusion dans la commu. Et nous avons quand même obtenu qu'il y ait des réunions des trois conseils, des assemblées générales, des informations, mais qui sont justement des informations plus que des lieux de débat. Et ça s'insère donc dans une stratégie de communication qui est tout à fait insuffisante. Et donc, quand je dis « nous », on va dire que c'est une large intersyndicale et puis un regroupement également de personnes qui ne sont pas syndiquées mais sympathisantes et qui se posent beaucoup de questions sur cet avenir. Alors, mon propos ici sera personnel dans la mesure où une contribution est en train d'être écrite. C'est un vrai travail collectif, donc ça demande un petit peu de temps. C'est un texte qui va sortir très bientôt et qui sera donc notre base de mobilisation. Donc j'aurai un propos personnel, mais clairement ancré dans cette réflexion collective et intersyndicale et qui en découle directement. Alors cette réflexion nous a conduit à classer donc les différentes voies de regroupement par degré de dangerosité. Le plus dangereux étant pour nous donc finalement la commu. La commu, dans le cas donc de Paris-Est, effectivement, il faut avoir des analyses précises et bien ancrées localement. Ensuite, par degré de dangerosité un peu moindre, la fusion UPEC-UPEM, qui nous pose beaucoup de problèmes, j'y reviendrai, et donc le moins dangereux et le plus souhaitable dans le contexte actuel, puisque la loi est passée par là, c'est l'association des universités. Alors, je reviendrai surtout sur le cas de la commu, je passerai rapidement sur les autres cas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Pourquoi s'arrêter sur la commu Paris-Est ? C'est parce que c'est une forme de regroupement qui est à la fois très singulière et très significative. C'est une commu qui est très singulière parce que l'ancien presse et le presse commu actuel, puisqu'on est dans une situation transitoire, hein, comme tout le monde, ce presse commu comprend 20 établissements, dont seulement deux universités. Seulement deux universités. Les autres établissements, ce sont 6 écoles publiques, dont la tutelle n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, une école consulaire, donc dépendant d'une chambre de commerce et d'industrie, une école privée, et puis 9 organismes très variés. Ça va du CNRS à l'Institut technologique, forêt, cellulose, bois, construction, ameublement, et un pôle de compétitivité. Donc, en cas de commu, les deux universités seraient donc très clairement minoritaires dans les instances de la commu. C'est tout à fait évident. Alors, j'ai entendu dire parler des versions zéro, des V0, des statuts de commune. Alors, nous l'avons demandé, bien sûr. À l'UPEC, on ne l'a pas eu encore. On nous a dit qu'on nous le transmettrait, mais on ne l'a pas vu encore. Il y a un projet de statut de commune qui a été diffusé, qui a été présenté au CA de Marne-la-Vallée vers le 10 avril. Alors, dans ce projet de commu, de statut de commu, il n'y a que 7 membres à la commu, alors qu'il y a 20 membres dans le presse commu actuel. Donc, c'est un petit peu étonnant. Et puis, il n'est pas du tout fait mention de la fusion des deux universités, alors que cette résolution a quand même été votée en CA et sera représentée à nouveau au mois de juin au vote des CA. Donc, on a des hypothèses de statut un peu curieuses à 7. Et même dans cette configuration, les universités restent tout à fait minoritaires, c'est-à-dire qu'au Conseil des membres, elles auraient 2 sièges et il y aurait donc 5 sièges pour les autres établissements. Et en cas de fusion de l'UPEC et de l'UPEM, il n'y aurait plus qu'un seul siège pour une université et donc 5 sièges pour les autres établissements. Donc c'est quand même un petit peu surprenant et un peu singulier comme situation et en même temps très significatif. Très significatif parce qu'on voit que ces structures de communes, c'est une manière de procéder au rapprochement institutionnel, structurant des universités et d'écoles qui ne relèvent pas nécessairement du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et là, on voit que les commus fonctionnent vraiment comme un outil de restructuration de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, avec des incidences immédiates. Et dans le cas de Paris-Est, il y a clairement un risque de dilution des universités ou de l'université fusionnée dans un ensemble plus vaste, avec un ensemble plus vaste très professionnalisant en l'occurrence, avec tout ce que ça signifie en termes de lien avec la recherche, et éventuellement distendre ce lien avec la recherche, en termes de statut universitaire, en termes de pratiques démocratiques et de gouvernance. Il y a évidemment plus de nominations, de directeurs et moins d'élections et de représentations dans les écoles. La question également des frais d'inscription, hein, qui sont plus élevés dans les écoles que dans les universités. Les critères d'inscription, de sélection dans les filières, qui ne sont pas les mêmes évidemment que le fonctionnement d'université. D'ailleurs, le jeu sur les dénominations est très significatif, et ça peut être étendu également à d'autres communes. C'est-à-dire qu'actuellement, l'UPEC et l'UPEM ont déjà changé de nom. C'est-à-dire que l'UPEC, c'est l'ancien Paris 12, qui est devenu Université Paris-Est-Créteil. L'UPEM, c'était Marne-la-Vallée, qui est devenu Université Paris-Est-Marne-la-Vallée. Et elle, en tant que membre du PRESS, elles signaient également, elles apparaissent comme UPE, membre d'UPE Université Paris-Est. Bon. Mais en cas de fusion, en fait, les deux universités fusionnées ne s'appelleraient pas Université Paris-Est, elles prendraient un nouveau nom encore. Ce serait éventuellement Université Paris-Grand Est ou Grand Paris-Est. Ou voilà. Alors, c'est quand même... est-ce que c'est bien sérieux? Dans le sens où ça crée un brouillage d'image et d'identité évident. Et qui garde évidemment le nom Université Paris-Est? C'est la commu qui n'est pas le presse, attention, hein. Il y a une sorte de filiation de continuité, mais on est sur des regroupements de nature différente. Donc, cette commu s'appellerait Université Paris-Est, alors que c'est un EPSCP qui n'est pas une université, et qu'en l'occurrence, elle ne serait pas composée majoritairement d'universités. Et donc, c'est une étiquette qui serait prise, dont pourrait se parer donc, la commu, qui jouerait un peu l'effet d'une marque et qui bénéficierait donc aux écoles, dont elle bénéficie déjà un peu dans le cadre du PRESS, mais là de façon bien plus accentuée. Là, il faudrait rentrer dans le détail des évolutions institutionnelles, mais on pourra le faire au moment des questions si vous voulez. Le projet des présidences ne s'arrête pas là, puisque c'est une fusion dans la commu. Alors, la fusion de l'UPEC et de l'UPEM, chronologiquement, c'est le point qui a déclenché la mobilisation. C'est-à-dire que toutes ces questions de communes sont apparues progressivement. Certains avaient déjà lu la loi en détail, mais ils n'étaient pas nombreux. Et on peut dire que la véritable information et mobilisation, c'est quelque chose qui est lent, qui est long. Il faut beaucoup de temps d'explication. Et elle est en train de se faire actuellement. Dans le cas de la fusion, la mobilisation a été immédiate, c'est quelque chose d'assez simple. Et vous connaissez donc les arguments contre une fusion. On a déjà le bilan d'un certain nombre d'établissements qui ont été fusionnés. Je ne reviens pas sur la question de la mutualisation des offres de formation, mutualisation, suppression, simplification, les questions financières, les questions de déplacement, etc. Donc, en termes de fusion, là, ça a été un moteur de mobilisation, hein, très clairement. Et comme nous sommes dans une stratégie non pas d'immobilisme et de vieux fossiles qui ne veulent absolument rien changer, pas du tout, on a essayé au contraire d'être très constructif et d'insister sur le fait que nous souhaitions développer les coopérations et collaborations de l'UPEC déjà engagées avec les autres établissements. Il ne s'agit pas du tout de brader l'héritage du presse, au contraire de le développer. Et j'ai un tout petit peu anticipé sur un texte qui va donc être diffusé et publié, mais le scénario que nous proposerions, et là on est sur une base syndicale, le scénario local à l'UPEC, le scénario que nous proposerions, c'est une association, d'une part de l'UPEC avec l'UPEN, plutôt qu'une fusion, et une association aussi de l'UPEC avec la commu, la commu comprenant tous ceux qui veulent bien y aller. Il ne s'agit absolument pas de dicter une quelconque loi aux autres établissements. Ce qui permet d'avoir une association, on va dire, au même niveau de l'UPEC, au même niveau que les instances de la commu, et qui permet de tout à fait collaborer, coopérer avec toute une série d'établissements, d'écoles diverses et variées, avec qui nous n'avons pas du tout envie de couper les liens. Je conclurai sur le fait que ce qui est en jeu, c'est quand même la création d'universités à deux vitesses, avec d'une part des universités dites de recherche, ce qui est une sorte de pléonasme, des universités de recherche qui seraient dans le centre de Paris, et puis en banlieue, on aurait une commu Paris-Est où la dimension recherche serait quand même un petit peu minorée et peut-être un peu en péril. Et l'enjeu pour nous, c'est de certainement ne pas décrocher des universités de recherche pour devenir des sortes d'universités intermédiaires ou universités de proximité, très professionnalisée, mais décrochée de collaborations anciennes avec Paris Centre. Et l'exemple de cela, c'est l'UFR de médecine à l'UPEC. L'UFR de médecine n'est pas concernée par la fusion avec Marne-la-Vallée, puisqu'il n'y a pas de médecin à Marne-la-Vallée. En revanche, l'UFR de médecine, c'est quelque chose qui a été fait anciennement, avant ce projet de commu. Un accord a été signé, une convention a été signée avec les médecins de Paris 6. Donc là, il y a un collégium Paris 6 UPEC. Mais c'est formidable. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étendre, pas forcément sur la forme collégium, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas étendre justement ces conventions qui permettraient d'articuler d'une part Paris Centre, la petite couronne et la plus grande banlieue. C'est vraiment ça qu'on souhaite, et donc développer donc un réseau d'associations sans rester enfermé donc sur des blocs de banlieue et Paris Centre avec les vraies universités de recherche. Voilà, merci. Bon. Merci Marie-Alban.